Exercice spirituel de Saint Ignace de Loyola, traduit sur le texte espagnol par le Père Pierre Génesseau. Quatrième semaine. Contemplation pour parvenir à l'amour divin. Commençons par reconnaître deux vérités. La première, que l'on doit faire consister l'amour dans les œuvres bien plus que dans les paroles. La seconde, que l'amour réside dans la communication mutuelle des biens. D'un côté, la personne qui aime donne et communique à celle qui est aimée ce qu'elle a, ou de ce qu'elle a, ou ce qu'elle peut donner et communiquer. De l'autre, la personne qui est aimée agit de même à l'égard de celle qu'il aime. Si l'une a de la science, elle la communique à celle qui n'en a pas, j'en dis autant des honneurs et des richesses, et réciproquement. Note. Plus que dans les paroles, ou dans des affections stériles et inefficaces, car les affections sont des paroles intérieures. Note. Dans la communication mutuelle des biens. Ce passage mérite une attention toute spéciale. Telles sont les expressions de l'auteur des exercices, qu'elles peuvent respectivement s'appliquer, avec la plus grande justesse, à l'amour de Dieu pour l'homme, et à l'amour de l'homme envers Dieu. Que, l'aimant, textuellement, communique à l'aimé, et de son côté l'aimé à l'aimant, ce qu'il a, ou de ce qu'il a, ou ce qu'il peut. Ces paroles conviennent à Dieu qui aime, infini par sa nature, et ne pouvant communiquer à sa créature essentiellement limitée tout ce qu'il a, il lui communique de ce qu'il a, ce qu'il peut, selon la capacité de celui qui est aimé. Elles conviennent à l'homme, qui est aimé. Il est juste que la créature donne à son créateur, l'homme, à son Dieu, ce qu'il a, tout ce qu'il a. Qu'avez-vous que vous n'ayez reçu? Tout est à vous, Seigneur, je vous le rends. Et s'il n'a que son néant, il donne ce qu'il peut. Expression naïve de bon vouloir et d'humilité. L'oraison préparatoire ordinaire. Le premier prélude est la composition de lieu. Dans la contemplation présente, je me considérerai en la présence de Dieu, notre Seigneur, sous les yeux des anges et des saints qui intercèdent pour moi. Le second est la demande de la grâce que l'on veut obtenir. Ici, je demanderai la connaissance intime de tant de bienfaits que j'ai reçus de Dieu, afin que dans un vif sentiment de gratitude, je me consacre sans réserve au service et à l'amour de sa divine majesté. Note. La connaissance intime. Ce sont encore les deux grâces que Saint Ignace nous recommande partout de demander. Premièrement, grâce d'entendement ou de lumière, secondement, grâce d'affection ou de volonté, tendant à l'exécution du point spécial qui nous est manifesté par la lumière divine. Fin de la note. Dans le premier point, je rappellerai à ma mémoire les bienfaits que j'ai reçus, ceux qui me sont communs avec tous les hommes, la création, la rédemption, et ceux qui me sont particuliers, considérant très affectueusement tout ce que Dieu, notre Seigneur, a fait pour moi, tout ce qu'il m'a donné de ce qu'il a, et combien il désire se donner lui-même à moi, autant qu'il le peut, selon la disposition de sa divine providence. Puis, faisant un retour sur moi-même, je me demanderai ce que la raison et la justice m'obligent de mon côté à offrir et à donner à sa divine majesté, c'est-à-dire toutes les choses qui sont à moi et moi-même avec elle, et, comme une personne qui veut faire agréer un don, je dirai du fond de l'âme, prenez, Seigneur, et recevez toute ma liberté, ma mémoire, mon entendement et toute ma volonté, tout ce que j'ai et tout ce que je possède, vous me l'avez donné, Seigneur, je vous le rends, tout est à vous. Disposez-en selon votre bon plaisir. Donnez-moi votre amour, donnez-moi votre grâce, elle me suffit. Note. La considération des quatre points suivants laisse quelquefois dans l'esprit de celui qui les médite une certaine confusion. Ils ne paraissent pas à tous assez distincts. Le second et le troisième semblent à quelques-uns rentrer l'un dans l'autre. Pour remédier à cet inconvénient, voici comment, d'après le texte même de saint Ignace, on doit diviser cette contemplation. Dans le premier point, nous contemplons les bienfaits de Dieu en général, ceux que nous avons déjà reçus et que nous recevons encore, en tant que ces inappréciables bienfaits nous sont venus, nous viennent tous les jours et nous viendront éternellement de son amour infini pour nous, ainsi que nous en avons la ferme espérance. Dans le second point, nous contemplons les mêmes bienfaits comme des dons de Dieu réellement présents, et dans les objets qui sont l'épreuve de sa libéralité envers nous, et dans nous-mêmes qui recevons ces bienfaits. En sorte que c'est, pour parler ainsi, Dieu en personne qui nous communique ses dons, ce qui en rehausse infiniment le prix et fait bien mieux ressortir son amour. Dans le troisième point, ce n'est plus seulement Dieu présent, c'est Dieu agissant et travaillant en quelque sorte pour nous faire du bien, aidant les créatures à verser sur nous ses bienfaits, et nous aidant à les recevoir. Marque de bonté toute spéciale dans quelque bienfaiteur qu'on la considère, mais qui en Dieu surtout passe toute conception et montre un amour véritablement infini. L'auteur de la nature donne, il est vrai, aux causes secondes des propriétés réelles, mais il n'en est pas moins vrai que, par un concours actuel et efficace, il opère lui-même dans ses causes secondes pour nous prodiguer ses bienfaits. J'ajoute que rien ne paraît nous empêcher d'appliquer ces deux derniers points à Dieu considéré spécialement comme rédempteur. Dans le second point, par exemple, nous penserions à la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, soit visible en notre chair mortelle, lorsqu'il parut sur la terre et qu'il conversa avec les hommes, Baruch 3:38, soit invisible au Saint-Sacrement de l'autel. Dans le troisième, nous méditerions sur les travaux sans nombre, sur les longues souffrances que le Fils de Dieu, Dieu lui-même, et Sauveur des hommes, a daigné supporter pour nous. Puisque c'est pour notre amour qu'il n'a point balancé à se livrer entre les mains de ses ennemis et à subir le supplice de la croix. Enfin, comme nous considérons dans le premier point tous les bienfaits de Dieu, passés, présents à venir, temporels et éternels, nous pouvons de même rapporter ces deux derniers points, le second et le troisième, à la contemplation du bonheur du ciel et des biens de la véritable et éternelle patrie. Car l'auteur des exercices se contente ordinairement d'indiquer les pensées, et il nous laisse le soin d'en tirer les conséquences. Or, de combien d'idées riches et fécondes peut être la source de la magnifique pensée de Dieu présent et travaillant à notre bonheur ? Si nous l'appliquons aux joies solides et durables de l'éternité? Quant au quatrième point, il ne présente aucune difficulté. On voit assez, au premier coup d'œil, combien il diffère des précédents. Il renferme le motif de l'amour pur et parfait, de l'amour de Dieu pour lui seul, et pour ses perfections infinies. Ce n'est pas sans raison que saint Ignace a renvoyé cet amour si relevé au dernier point. Le second et le troisième nous y disposent, ils aplanissent la voie en nous montrant Dieu présent et agissant dans les créatures, mais ils ne séparent pas encore de l'idée de Dieu le bonheur de l'homme. Ainsi, on lit dans le second point ces paroles, donnant, me donnant, et dans le troisième, pour moi. Il était réservé au quatrième de faire abstraction de notre bien propre, pour ne nous présenter que le motif infiniment pur de la perfection absolue de Dieu, à la contemplation de laquelle nous sommes comme introduits par la considération des perfections finies que nous rencontrons dans les créatures, et qui ne sont, quelque dignes de notre admiration qu'elles puissent nous paraître, que des rayons ou des ruisseaux de cette perfection infinie. Cette contemplation ainsi divisée, on trouvera facilement pour chaque point une source distincte de sentiments et d'affections, laquelle permettra de varier le colloque du premier point, comme l'insinue Saint Ignace. Au reste, l'auteur des exercices a renfermé dans des points très succincts une matière immense, pour ne pas dire infinie, et celui qui entreprendrait de la méditer avec un cœur pur et bien disposé, y consacra-t-il cette vie mortelle tout entière, ne l'épuiserait jamais. C'est une veine que l'on nous indique, c'est la source d'eau vive qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. Note. Tout ce que Dieu notre Seigneur a fait pour moi. La version Vulgate et l'abbé Clément ajoute, et souffert. Ce mot ne se trouve ni dans l'autographe espagnol, ni dans l'ancienne version MS. Du reste, comme la considération du bienfait de la rédemption ne doit pas être exclue de ce premier point, le sens des paroles de Saint Ignace a fait pour moi, et naturellement, en agissant et en souffrant pour moi. Il faut cependant reconnaître que ce premier point nous rappelle les bienfaits de Dieu simplement et en général, en tant qu'ils sont notre bien, abstraction faite de la manière dont Dieu nous les a donnés, nous les donne et nous les donnera ensuite, comme il est dit dans la note précédente. Note. Autant qu'il le peut, selon. Ce qui doit surtout s'entendre de cet ordre de la Providence selon lequel Dieu exige la coopération libre de sa créature pour se communiquer à elle autant qu'il le peut. Note. Prenez, Seigneur, et recevez. Quelle différence, pour le dire en passant, entre cette formule commune qui se trouve dans tous les livres de prière. Ô Seigneur, daignez recevoir. Traduction de la Vulgate par l'abbé Clément, et cet élan de l'âme. Prenez, Seigneur, et recevez. Arrêtons-nous spécialement, dans la considération de cette offrande, aux trois points suivants. Prenez, Seigneur, et recevez. Tout est à vous. Disposez-en selon toute votre volonté. Prenez, Seigneur, et recevez. Cette oblation ne renferme pas seulement, comme on pourrait le croire d'après la Vulgate, la résolution de ne se servir des dons de Dieu, surtout des puissances de l'âme, la mémoire, l'entendement et la volonté, que selon son bon plaisir. Cette intention est louable, cette disposition est sainte, mais elle n'exprime pas tout le sens, pas même le sens propre. Le sens principal de l'auteur des exercices. Les paroles du texte supposent ce que nous venons de dire, et signifient quelque chose de plus, un don réel, une offrande dans toute la rigueur des termes, et comme offrande, comme don, elles répondent à la pensée dominante de ce premier point, dans lequel nous considérons, d'un côté, Dieu qui aime, donnant de ce qu'il a à la créature qui est aimée de lui, et de l'autre côté, la créature qui est aimée de Dieu, s'efforçant de donner et d'offrir à son tour ce qu'elle a au Dieu qu'il aime. Or les deux verbes prendre et recevoir, employés par Saint Ignace, bien que le premier ait été supprimé par le père Frusius et par ses traducteurs, paraissent, disons-nous, indiquer quelque chose de plus que le simple propos, quelque ferme qu'il soit, de faire un saint usage des dons que nous tenons de Dieu. En effet, je reçois ce qu'un autre m'offre de son plein gré, je prends ou j'emporte ce qui me plaît, sans que personne me le présente. Ces deux significations admises, prenez, Seigneur, dit l'auteur des exercices, enlevez, emportez selon votre gré. Vous êtes le maître. Tout est à vous. Reprenant ce que vous m'avez donné, vous n'emportez pas ce qui m'appartient, Mais ce qui est toujours à vous, ce qui est toujours demeuré vôtre. Vous êtes digne d'amour et de louange, et lorsque vous donnez, et lorsque vous ôtez, le Seigneur me l'a donné, le Seigneur me l'a ôté, que le nom du Seigneur soit béni. Je ne veux avoir que ce que vous voulez que j'aie, et autant que vous le voulez. Prenez, Seigneur, mais aussi recevez, car je vous offre de tout mon cœur tout ce que je possède. Ainsi, lorsque saint Ignace dit ces paroles, « Prenez, Seigneur, et recevez », il ne se propose pas seulement de ne se servir des dons de Dieu que selon son bon plaisir, mais, de son propre mouvement, il fait au même Seigneur, autant qu'il le peut, cession de tous les biens qu'il a reçus de sa libéralité, il les lui résigne, afin qu'il en dispose, en partie ou en totalité, uniquement selon son bon plaisir. De même, un peu plus bas, il ne se contente pas de remettre ses biens à la volonté divine, afin qu'elle les gouverne, comme porte la Vulgate, mais il dit « Tout est vôtre, et à double titre, parce que vous me les avez donnés et parce que, sans y être forcé, je vous les rends, disposez-en donc selon toute votre volonté. » Assurément ces paroles disent plus que les suivantes. Je vous les remets, afin que vous les gouverniez, car elles renferment une soumission pleine à cette volonté adorable, à laquelle il plaira peut-être un jour de nous diminuer ses dons, de même de nous les ôter entièrement. Or cette offrande, cette cession volontaire de tous les biens que nous avons reçus, de ceux mêmes qui nous constituent intrinsèquement, des puissances de notre âme, est assurément héroïque. Car, quoique les dons divins de la mémoire, de l'entendement, du libre arbitre, nous soient absolument nécessaires pour servir le maître puissant et libéral de qui nous les tenons, et que, par conséquent, nous ne puissions y renoncer sans renoncer, ce semble, au premier et au plus important de nos devoirs, néanmoins, comme il arrive assez souvent que l'homme, et même les plus grands serviteurs de Dieu, se trouvent réduits, par les infirmités ou la vieillesse, à passer des années entières privés de ces nobles facultés, qui pourra douter que l'on puisse faire cette offrande, bien qu'elle soit un acte de la résignation la plus héroïque et de l'amour le plus ardent, quand, librement et par amour, on se dévoue à l'humiliation profonde d'une nullité morale, pour le bon plaisir de son Dieu et de son Créateur, content de son amour et de sa grâce. Tel est le véritable sens de ce passage des exercices, telle est l'universalité de l'offrande qu'il exprime, la plus grande, la plus entière qu'il soit possible d'imaginer. Ce n'est qu'en entendant les paroles de saint Ignace dans le sens que nous venons de les expliquer, qu'elles correspondent entièrement à cette donation universelle, que toute cette contemplation, par un raisonnement légitime, nous porte à faire la bonté divine de ses propres dons et de ses propres bienfaits. Au reste, cette offrande de soi-même, une fois faite avec délibération et sans réserve, serait peut-être capable elle seule de réparer le malheur, autrement irréparable, de tomber dans l'état si digne de compassion dont nous parlions tout à l'heure, danger auquel notre condition humaine nous laissera toujours sujet. Il faut enfin se rappeler que ce colloque, prenez, et recevez, n'exprime pas une demande par laquelle nous prions Dieu de nous priver de ses biens en nous les retirant, mais une offrande ou un acte d'abandon parfait, ce sont les paroles d'un homme, qui offre ses biens, qui s'offre lui-même, nous dit expressément saint Ignace. Outre le sens du verbe prendre, que nous venons d'exposer au long dans l'explication de ce colloque, il ne semble pas hors de propos d'en indiquer un second, qui nous paraît très naturel, et qui est une conséquence de la considération des bienfaits divins. Après avoir médité ses bienfaits et ses dons, je fais un retour sur moi-même, je me demande ce que je puis donner à Dieu en retour, et je m'écris, « Prenez, Seigneur, tout ce que j'ai, tout est à vous. » Comme si, à la vue d'une si grande bonté, je m'écriais dans un transport d'admiration, « Que puis-je vous offrir qui déjà ne vous appartienne ? Prenez, ô mon Dieu, et puisque votre infinie bonté veut qu'il me soit permis de vous offrir quelque chose, recevez. » Ce sens nous paraît exactement celui du texte espagnol, et il est parfaitement en rapport avec ce que dit saint Ignace, que cette offrande doit se faire à l'imitation d'une personne qui offre quelque chose à une autre avec beaucoup d'affection. Enfin, le mot « prenez » peut avoir un troisième sens. Je considère la perversité de mon cœur et sa ténacité, et m'indignant d'avoir été jusqu'ici, et de me sentir maintenant encore si avare envers Dieu, je lui dis, « Prenez, Seigneur, prenez vous-même tout ce que j'ai, prenez ma propre personne, et rentrez dans vos droits, etc. » Ma liberté. Non, le libre arbitre que nous offrirons plus bas par ces mots, toute ma volonté, mais cette liberté, état de l'homme, qui est maître de lui-même, et que nul obstacle extérieur n'empêche d'agir comme il lui plaît. Nous pensons que l'on peut comprendre sous le nom de liberté la santé, l'honneur et la vie. Fin de la note. Dans le second point, je considérerai Dieu présent dans toutes les créatures. Il est dans les éléments, leur donnant l'être, dans les plantes, leur donnant la végétation, dans les animaux, leur donnant le sentiment, dans les hommes, leur donnant l'intelligence, il est en moi-même de ces différentes manières, me donnant tout à la fois l'être, la vie, le sentiment et l'intelligence. Il a fait plus, il a fait de moi son temple, et, dans cette vue, il m'a créé à la ressemblance et à l'image de sa divine majesté. Ici encore je ferai un retour sur moi-même, comme il a été dit dans le premier point, ou de toute autre manière qui me paraîtrait plus convenable, ce qui doit s'observer dans les points suivants. Note. Ou de toute autre manière qui, etc. Saint Ignace donne assez à entendre que l'on peut trouver un sentiment différent de celui qu'il indique dans le premier point, et que ce second sentiment peut être meilleur que le premier, c'est-à-dire, plus en rapport avec le sujet du second point, qui est la considération de Dieu présent, de Dieu habitant dans toutes les créatures et dans moi-même. Ce sentiment répondra à ce nouveau bienfait, s'il m'excite à me tenir moi-même sous les yeux de Dieu, et à me rappeler sans cesse sa présence, psaume 15, 8, à chercher avec une foi vive, avec un saint empressement et de généreux efforts, Dieu en toutes choses, à considérer comme visible le Dieu invisible, Hébreux 11, 27, à marcher et à me conserver avec soin, avec sollicitude devant lui, Michée 6, 8, à régler avec toute la perfection possible mes pensées, mes paroles et mes œuvres, n'oubliant pas qu'elles ont Dieu présent pour examinateur et pour témoin, à me souvenir pratiquement de cette idée, grande et magnifique, que je suis le temple de Dieu, et que, par conséquent, je dois le glorifier et le porter dans mon corps, comme saint Paul le recommandait aux fidèles de Corinthe. 1 Corinthiens 6, 20. Tels peuvent être les sentiments qu'il conviendra, dans ce second point, de s'efforcer de concevoir et d'offrir à Dieu avec beaucoup d'affection, pour répéter les termes de l'auteur des exercices. Si l'on désire encore faire entrer dans ce second point la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ dans le sacrement de l'autel, et dans nous-mêmes après la Sainte Communion, on trouvera, dans la contemplation de ce mystère d'amour, une source nouvelle et abondante des sentiments les plus vifs et les plus affectueux. Fin de la note. Dans le troisième point, je considérerai Dieu agissant et travaillant pour moi dans tous les objets créés, puisqu'il est effectivement dans les lieux, dans les éléments, dans les plantes, dans les fruits, dans les animaux, etc., comme un agent, leur donnant et leur conservant l'être, la végétation, le sentiment, etc. Puis je ferai, comme dans les points précédents, un retour sur moi-même. Note. Un retour sur moi-même. Et, selon l'avertissement de Saint Ignace dans le second point, le faire de la manière qu'il est dit dans le premier point, ou d'une autre qui me paraîtrait meilleure. Le sentiment que doit nous suggérer la pensée de ce troisième point, je veux dire la contemplation de Dieu agissant et comme travaillant pour nous dans tous les objets créés, sera une résolution invariable de travailler et d'agir nous-mêmes pour Dieu, afin que notre amour ne consiste pas dans une affection stérile, qui ajouterait peu à de simples paroles. Il est vrai que Dieu, agissant et travaillant en quelque sorte dans les créatures, le fait sans éprouver cette fatigue à laquelle nous sommes sujets, et qui ne peut l'atteindre comme être infini. Mais si nous considérons notre Seigneur Jésus-Christ agissant et travaillant pour nous pendant sa vie mortelle, la vue de ses travaux inouïs et de ses incomparables douleurs enflammera sans doute nos cœurs d'un désir efficace de travailler et de souffrir pour lui. La contemplation de Dieu agissant dans toutes les créatures produira encore en nous l'effet suivant, elle nous apprendra à recevoir avec une foi vive, comme de la main de Dieu, tout ce qui peut nous arriver de contraire ou de favorable de la part des créatures, et à regarder tout ce que Dieu veut ou permet comme autant de dons et des bienfaits procédant de son amour infini pour nous. Ce qui est d'ailleurs une vérité incontestable. Arrivera-t-il dans la cité, dit le prophète Amos 3:6, un mal qui ne vienne du Seigneur? Mais nous savons, reprend l'apôtre, que tout tourne à bien à ceux qui l'aiment. Romains 8:28. C'est donc un devoir pour nous de lui adresser des actions de grâce, en tout temps, en tout lieu et dans toutes les circonstances de la vie, et de témoigner ainsi notre reconnaissance au tendre Père duquel nous ne recevons que des bienfaits. Fin de la note. Dans le quatrième point, je contemplerai que tous les biens et tous les dons descendent en haut, ma puissance limitée dérive de la puissance souveraine et infinie qui est au-dessus de moi, de même la justice, la bonté, la compassion, la miséricorde, etc., comme les rayons émanent du soleil, comme les eaux découlent de leur source, etc. Ensuite, je réfléchirai sur moi-même, comme il a été dit, et je terminerai par un colloque suivi du Notre Père. Note. Comme les rayons, les eaux, etc. Ces comparaisons sont remarquables par leur justesse, elles nous apprennent que tous les biens viennent d'en haut et descendent du Père, sans cesser de dépendre de lui. Que, Dieu ferme sa main bienfaisante, et aussitôt le cours de ses dons est suspendu. C'est ainsi que les rayons dépendent du soleil et les eaux de leur source, non seulement quant à leur origine, mais encore quant à leur durée. Note. Je réfléchirai sur moi-même. Il est évident que le sentiment qui correspond à ce quatrième point est celui de l'amour pur, ou de l'amour de Dieu pour lui-même et pour ses perfections infinies. Nous devons nous servir des perfections finies des créatures, comme de tant de degrés, pour parvenir à la connaissance et à l'amour des perfections infinies du Créateur, puis nous dépouillant, autant que possible, de l'amour de toutes les choses créées, diriger toutes nos affections vers le Créateur, l'aimant dans toutes les créatures, et toutes les créatures en lui, selon sa très sainte et divine volonté. Nous ne pouvons mieux terminer cette féconde et admirable matière de l'amour divin qu'en répétant ce que nous avons indiqué dans le nota qui précède cet exercice. L'abnégation de nous-mêmes est une condition sine qua non, disent les philosophes, c'est-à-dire sans laquelle il est d'une impossibilité absolue d'arriver au but que nous marque cette contemplation. Ce qui nous engage à rappeler, en finissant, cette maxime toute divine de saint Ignace, à la pratique de laquelle il nous porte sans cesse dans tout le cours des exercices, il faut que chacun sache qu'il avancera dans les voies spirituelles, dont le terme est la perfection de l'amour divin, autant qu'il se dépouillera de son amour propre, de sa volonté propre et de son propre intérêt. Deuxième semaine, réforme. Markendanarchive.org, 2020, d'après Archive.org Université de Toronto, Université d'Ottawa et livremystique.com, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.